Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. Abras le corps. Bonjour à tous. Je reprends cette fois mon cycle spécial qui cherche à déconstruire les visions, les rapports et les imaginaires autour du concept de maternité. Après un premier épisode d'introduction, j'étais une première fois revenue sur les injonctions à la reproduction, visant la plupart des personnes assignées au genre féminin. Par mon témoignage et celui d'autres précieuses contributrices, nous avions essayé d'appréhender la réalité du non-désir d'enfant et évoquer celle heureuse de se dire « child free ». Les rapports aux maternités sont un sujet large et complexe, recouvrant une infinité de vécus différents et évolutifs. Afin de vous offrir une certaine trame, je vous propose de glisser sur une sorte de spectre qui irait du non-désir d'enfant à son total inverse. Dans cette perspective et au vu de l'actualité de ces derniers mois, j'aborderai aujourd'hui le sujet de l'avortement. Je tiens à prévenir que cet épisode, parce qu'il cherche à décortiquer les tenants de la persistance d'un tabou, va évoquer des pratiques et des vécus difficiles ou rendus et ou présentés comme difficiles par la société et susceptibles donc de heurter des personnes concernées. Assurez-vous d'être dans de bonnes conditions pour l'écouter. La légalisation de l'aborto, esta es una ley que se gana en la calle. A las mujeres en sus casas, a nuestras madres y a nuestras hijas. Que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Que sea ley. L'Argentine vient d'adopter une loi de légalisation de l'IVG jusqu'à 14 semaines et non plus uniquement en cas de viol ou de danger vital pour la personne enceinte. Enfin, après un dur et long combat féministe et après avoir été refusée au dernier moment il y a 2 ans par l'Assemblée nationale, ya es ley. En France, on a légalisé l'interruption volontaire de grossesse, connue sous le sigle IVG, en 1975. Ces derniers jours et semaines, avec la mort de l'ex-président Valéry Giscard d'Estaing, les médias se gossent de rappeler que cela a été fait sous son mandat. En réalité, ce droit ne doit rien au Mexis au pouvoir. S'il a été reconnu, c'est grâce aux mobilisations des concernés et de leurs alliés qui ont pu l'ériger en problème de santé publique en dépit des énormes résistances patriarcales inhérentes à toutes les institutions de pouvoir, médiatiques, politiques, médicales et j'en passe. Simone Veil est connue pour avoir incarné un peu ce combat et notamment pour son discours face à l'Assemblée nationale. Je sais que le problème dont nous débattons aujourd'hui concerne des questions infiniment plus graves et qui troublent beaucoup plus la conscience de chacun. Mais en définitive, il s'agit aussi d'un problème de société. Je voudrais enfin vous dire ceci. Au cours de la discussion, je défendrai ce texte au nom du gouvernement sans arrière-pensée et avec toute ma conviction. Mais il est vrai que personne ne peut éprouver une satisfaction profonde à défendre un tel texte, le meilleur possible, à mon avis, sur un tel sujet. Personne n'a jamais contesté, et le ministre de la Santé moins que quiconque, que l'avortement soit un échec quand il n'est pas un drame. Mais nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300 000 avortements qui, chaque année, mutilent les femmes de ce pays, qui bafouent nos lois et qui humilient ou traumatisent celles qui ont recours. L'histoire nous montre que les grands débats qui ont divisé à un moment les Français apparaissent avec le recul du temps comme une étape nécessaire à la conformation d'un nouveau consensus social qui s'inscrit dans la tradition de tolérance et de mesure de notre pays. Je ne suis pas de ceux et de celles qui craignent l'avenir. Les jeunes générations nous surprennent parfois en ce qu'elles diffèrent de nous. Nous les avons nous-mêmes élevées de façon différente de celles dont nous l'avons été. Mais cette jeunesse est courageuse, capable d'enthousiasme et de sacrifice comme les autres. Sachons lui faire confiance pour conserver à la vie sa valeur suprême. Si Simone Veil, alors ministre de la Santé, fut celle qui porta le projet de loi en dépit des débats houleux et profondément sexistes au Parlement, son action est avant tout portée par un mouvement féministe extrêmement fort. 4 ans plus tôt, en 1971, 343 personnes publiques coécrivent un manifeste dans lequel elles déclarent avoir eu recours à un avortement. Devenu célèbre, ce manifeste prend le nom du manifeste des 343 salopes. Un an plus tard, en 1972, le procès de Bovini secoue lui aussi l'opinion publique. L'avocate Gisèle Halimi, qui défend l'adolescente de 17 ans accusée d'avoir pratiqué un avortement suite à un viol, fait remporter le procès à cette dernière, montrant l'absurdité de la pénalisation de ce geste. Dans ce contexte de forte médiatisation et de mobilisation, Simone Veil réussit ainsi à obtenir une première dépénalisation de l'avortement 3 ans plus tard. Depuis 1982, l'IVG est remboursée par la Sécurité sociale grâce à l'action de la ministre socialiste Yvette Roudy. Un an plus tard, c'est au tour de l'IVG médicamenteuse d'être légalisée et en 1993, le fait de faire entrave à l'IVG devient un délit. La législation française devient progressivement plus sécurisante et le reste toujours davantage que certaines autres législations européennes. Le délai de réflexion de 2 semaines et l'entretien obligatoire pré-IVG ont été abrogés en 2001, de même que la pénalisation des communications pro-IVG. Alors qu'en Espagne, les patients-patientes doivent encore passer devant un ou une psychiatre, et qu'en Allemagne, l'acte reste soumis à l'autorisation d'un office de consultation composé de beaucoup de catholiques, 2001 consacre pour nous la disparition de l'avortement du code pénal. Ainsi, il apparaît que grâce au travail de beaucoup d'associations comme la Maison des Femmes ou le Planning Familial, les mentalités ont beaucoup bougé en l'espace d'une 30aine d'années, semblant davantage libérer la parole autour de ce sujet. Au point qu'on pourrait même le trouver un peu galvaudé désormais, trouvant que la question de l'avortement n'en est plus vraiment une. C'est ce que j'ai pensé, moi aussi. Pourtant, je me souviens de mes premières discussions à ce sujet, dans les couloirs du lycée, il y a quelques années. La question du « qu'est-ce qu'on ferait si cela nous arriverait ?» Pour ma part, déjà, la grossesse étant quelque chose que je n'envisageais pas vraiment, il était clair que j'avorterais. Mais une question me taraudait quand même. Est-ce que cela serait difficile? Est-ce que cela ne bouleverserait pas ma vie d'une façon ou d'une autre? Parce que c'était bien ça que je voyais partout au cinéma, dans les livres. Des personnes qui recouraient à l'avortement, certes légalement et plus ou moins librement selon l'étendue des pressions familiales ou extérieures. Néanmoins, ce geste était toujours empreint de quelque chose de dramatique. Le personnage, ou bien tergiversait beaucoup et n'était pas sûr de son choix, le faisait souvent par dépit parce que trop jeune, merci les séries américaines à foison sur les filles mères, ou parce que dans ces fictions qui restaient très focalisées sur des personnages hétéros et cis, la jeune femme enceinte se retrouvait plus ou moins laissée tomber par son mec. Finalement, même dans ces fictions qui racontaient l'avortement, le traitement de cette démarche renvoyait au même stéréotype et fiction sociale d'un pseudo-instinct maternel que les personnages se retrouvaient obligés d'interrompre, de repousser à contre-cœur. De même, beaucoup des dialogues et des trames de ces récits tournaient autour de la question de la vie et ou de la conscience ou non du fœtus, permettant ainsi de toujours laisser planer le doute et la menace d'un certain discours moralisateur, dont savent d'ailleurs toujours très bien s'emparer les personnes les plus conservatrices. Là encore, il ne s'agit pas de dire que ce type de question ne se pose pas, voire jamais. La vérité, c'est qu'il y a sûrement autant de façons d'appréhender et de vivre un avortement que de trajectoires de vie différentes. J'ai lu et écouté énormément de témoignages, d'émissions, livres, podcasts, etc. pour préparer cet épisode. Certaines personnes vivent effectivement très mal leur avortement, d'autres pas du tout. Parmi les personnes qui le vivent mal, il y a une infinité de raisons différentes. Certaines, car ce n'était pas vraiment leur choix, qu'elles se le sont vues imposer par des personnes telles que leurs partenaires, des proches ou bien l'absence de conditions matérielles suffisantes. Certaines personnes avaient vraiment un désir et un projet d'enfant, mais se sont vues dans l'impossibilité d'aller au bout, parce qu'entre-temps, leur situation relationnelle ou amoureuse ou matérielle ou familiale avait changé. Ou bien parce qu'un diagnostic laissait entendre une maladie importante et qu'elle ne se sentait pas faire un enfant diagnostiqué de la sorte et estimait qu'il valait mieux lui épargner ses souffrances. Mais il y a aussi des personnes sûres de leur choix d'avortement, qui ont pu en souffrir non pas en raison d'un phénomène psychologique qui serait naturel et normal chez tout le monde, mais bien parce que la société, les institutions, notamment médicales, en ont fait un problème. En imposant des échographies, en les bombardant de discours sur ce qui se passait à l'intérieur de leur ventre, en les culpabilisant souvent, etc. À ce niveau-là, les fictions ont et jouent encore un rôle clé dans la perpétuation ou non de l'association entre avortement et l'idée d'une souffrance, voire d'un traumatisme. Comme pour beaucoup d'autres sujets invisibilisés ou dramatisés, on peut considérer que l'art, tout comme les médias, joue le rôle de miroir de la société en racontant ce qui s'y passe. Mais on peut aussi prendre le problème dans l'autre sens et se dire que nos imaginaires et nos façons d'appréhender les choses qui arrivent et nous arrivent puisent leur grille de lecture dans les récits qu'on nous raconte au quotidien depuis notre enfance. Ainsi, l'art, comme les récits et les images médiatiques mainstream, contribuent fortement à maintenir les craintes et les tabous dominants dans une sorte de prophétie autoréalisatrice. En choisissant de traiter massivement tel ou tel vécu plutôt que d'autres, en abordant par exemple l'avortement qu'en tant que sujet sensationnaliste, faisant état de problèmes et des difficultés, mais n'étant jamais abordée de manière autrement plus positive ou sous un autre angle, par exemple au travers de personnages qui, comme beaucoup de personnes dans la vraie vie, se voient recourir à l'avortement à un ou plusieurs moments de leur vie sans que cela n'impacte le reste. Certains récits pourraient rendre compte de ce rapport apaisé à l'avortement en le faisant intervenir plus fréquemment, comme un instant secondaire de la trame principale, sans besoin d'être au centre de l'intrigue, sans donner lieu à tout un tas de tergiversations, questionnements, discussions. Simplement montrer des personnes allant et sortant de la clinique, comme on les voit faire tout un tas d'autres démarches et opérations dans les fictions, afin de renforcer leur aspect réaliste. Plus tard dans le film, c'est un personnage déjà installé qui va enfin s'incarner, Sophie, écrite à contre-emploi de son personnage de servante. On l'accompagne se faire avorter par un personnage crédité au générique comme étant la faiseuse d'ange. Cette scène d'avortement est sans doute l'un des moments les plus politiques, importants et beaux du film. Déjà simplement parce qu'on montre rarement l'acte d'avorter à l'écran, et lorsqu'il est représenté, c'est souvent par le biais de séquences violentes, gore, dures. Il y a toujours une violence sous-jacente qui accompagne cet acte, qui n'est pas anodin. Chez Siama, on est dans une absence totale de jugement. Il y a l'enjeu de représenter cet acte, mais aussi la façon de le faire, avec une bienveillance que l'on n'attendrait pas forcément. En l'occurrence, dans Portrait, le personnage central de la scène n'est finalement pas Sophie. Chez la faiseuse d'ange, on allonge Sophie sur un lit, sur lequel se trouve un bébé. L'acte est filmé par un top shot en plan épaule sur Sophie. Elle est au centre du cadre, on nous montre ses crispements de douleur. Et puis une petite main lui attrape le pouce. C'est une scène magnifique mais qui s'adapte également au vécu de chacun. La lecture de cette scène est ouverte, il n'y a pas selon moi de bonne façon de la comprendre, parce que ça ne nous regarde pas et que la scène est juste douce. Et la scène suivante est une réponse parfaite à cet avortement. Il faut désormais le représenter. Héloïse demande à Marianne de peindre une reconstitution de la scène, parce que c'est un acte de la vie des femmes qui n'existe pas dans la peinture, parce que c'est un acte qu'on ne voit pas, alors qu'il concerne une grande partie de femmes. Parce que représenter un avortement, c'est politique. C'est redonner du pouvoir, du poids à la vie des femmes. Sans doute, si j'avais pu disposer de ces images ou de ces exemples dans mon enfance, mon adolescence ou ma vie de jeune adulte, je me serais épargné quelques nœuds au cerveau lorsque j'ai cru être enceinte, m'imaginant que j'aurais affronté une machine médicale infernale qui détruirait forcément une partie de moi. Sans doute, j'aurais pu tout de suite me moquer des commentaires de multitudes de mecs cis qui ont toujours besoin d'avoir un avis sur ce qui ne les concerne pas, qui m'expliquaient qu'à leurs yeux, l'avortement devait forcément être quelque chose de violent. Sans doute, j'aurais été moins désarçonnée face à la première de mes amies qui me confia avoir avorté. Prise de court, ne sachant pas comment traiter cette information, si je devais estimer qu'il s'agissait de quelque chose de grave, devant susciter de l'empathie et un soutien tout particulier, ou pas du tout. Heureusement pour moi, pas forcément pour elle, c'est cette amie qui m'a permis de remettre les choses à leur place. Après que j'ai bredouillé un maladroit, j'imagine que quelque part ça te marquera forcément, elle m'a reprise, en me disant qu'elle ne voyait pas pourquoi cela devrait forcément être le cas. Pourquoi est-ce qu'il faudrait en faire forcément quelque chose de traumatisant, si elle ne le ressentait pas comme ça? Ce qui avait été dur, c'était les conditions dans lesquelles elle avait dû y avoir recours, et la solitude dans laquelle elle s'était retrouvée à ce moment-là. Oui, mais voilà, je n'avais pas d'image comme ça. Ni dans les médias, ni dans les films, ni dans les livres. Et on peut aisément comprendre pourquoi. En effet, dans cette société patriarcale, si l'avortement a été consenti en France pour faire face aux énormes mobilisations féministes des années 1970, qui alertaient sur le nombre de morts et mortes du fait des avortements clandestins, il ne s'agit en rien d'un droit total à disposer de nos corps, et en particulier de l'usage ou non de nos utérus. Replaçons le contexte. Depuis des siècles, les personnes avec des utérus fonctionnels ont recours aux avortements. Ces pratiques étaient souvent l'objet d'importantes transmissions de savoir, notamment l'herboristerie, en tout cas jusqu'à la Renaissance et la constitution progressive d'un corps de médecins masculins qui décidèrent d'éradiquer ces savoirs et celles qui les mettaient en œuvre et de s'arroger un monopole sur le contrôle des corps. Dans beaucoup de sociétés, l'avortement s'est retrouvé interdit, condamné, passible parfois de la peine de mort, tant pour les avortants-avortantes, ou toute personne avouant avoir essayé d'avorter, que pour les avorteurs-avorteuses, soit les personnes accompagnant ces avortements. C'est notamment le cas en 1942, sous Vichy, en France, où il devient crime d'État. La promotion de l'avortement, voire le fait même d'en parler publiquement, sont eux aussi des actes répréhensibles pénalement. Hypocrisie d'un système qui, soi-disant au nom de la primauté de la vie de certains enfants, n'hésite donc pas à mettre en prison ou à exécuter des parents pour tentative ou pratique d'avortement, quitte à faire d'autres orphelins-orphelines à côté de ça. En 1956, des mouvements revendicatifs se structurent néanmoins en France, telles que la Maternité Heureuse, fondée par Marie-André Lagroix-Veilalé, ou encore la section française de l'International Planned Parenthood Federation, qui devient le mouvement français pour le planning familial, 40 ans après la naissance du planning britannique. Une première prise de conscience émerge dans l'opinion publique avec la publication de l'enquête de Jacques Torogy, Des enfants malgré nous, le drame intime des couples. Cette enquête, initiatrice du journalisme d'investigation, estime le nombre d'avortements entre 400 000 et 1 200 000 par an, et entre 10 000 et 60 000 le nombre de victimes des manœuvres abortives. N'en déplaise aux juges et aux médecins machos, l'enquête de Jacques Torogy met ainsi en lumière une pratique continue de résistance des corps. Le problème, c'est que dans la peur d'être pris ou pris sur le fait, d'être dénoncé et du fait de l'importante perte de savoirs ancestraux disséminés, ces avortements avaient lieu dans des climats de plus en plus insécures, impactant sur les conditions matérielles, causant de nombreuses complications physiques, coûtant parfois la vie aux avortants, avortantes, et entraînant souvent de nombreuses séquelles psychologiques et ou sociales. Des femmes se rassemblent autour du feu et commencent à harmoniser les unes avec les autres sur des paroles en latin. C'est tout l'imaginaire des sorcières que Siama invoque à cet instant précis, les replaçant dans un contexte historique idéal. Elle leur rend également leur statut de femme savante, puisque c'est Sophie qui est venue les voir pour savoir comment avorter. On entend « fugere non possum ». Ils ne savent pas voler. Dès le début des années 1960, de plus en plus de réseaux d'entraide se mettent en place pour proposer des avortements clandestins, notamment grâce au premier centre de planning familial. En 1967, la loi Neuwirth est signée par De Gaulle. Elle autorise la contraception, bien que celle-ci ne soit pas encore libre et gratuite et uniquement réservée aux personnes majeures. Cette loi permet certes une première sécurité pour certaines personnes qui ovulent, mais elle est loin de régler la question et les avortements clandestins ne faiblissent pas. En 1969, l'Association nationale pour l'étude de l'avortement, composée de médecins et de juristes, demande à ce que celui-ci soit autorisé dans le cadre de la solidarité humaine. Un an plus tard, des pionnières du Mouvement de Libération des Femmes, MLF, accompagnées d'autres militants militantes de gauche, fondent le MLA, le Mouvement pour la Liberté de l'Avortement. Elle parlait de la peur, celle de mourir. Elle savait qu'elles étaient en sursis. Elle le savait dès qu'on leur avait annoncé qu'elles étaient enceintes. Et elle ne remettait pas une minute en question la volonté d'avortement. Le courage des femmes, c'est quelque chose. C'était un acte de bravoure. Elle ne prononçait pas le mot « mourir ». En prononçant le mot, il y aurait eu un risque que cela arrive. Ça aurait été maléfique. Elle disait « j'ai peur ». Et je comprenais, elle ne parlait pas de leurs compagnons, mais de leur enfant, et si elles en avaient. J'ai peur. Qui va s'occuper d'eux? S'il m'arrive quelque chose, vous direz à... trois petits points. Suivez un nom, très souvent celui d'une femme. Les femmes qui avortaient, ainsi étaient dans la vie. Elles se battaient pour la vie. Cet enfant, elles ne voulaient pas l'avoir, donc pour continuer à vivre, il fallait qu'elles avortent. Il n'y aura pas d'enfant, même au prix de ma vie, disait-elle. Extrait du livre « Paroles d'avorter » de l'écrivaine et journaliste féministe Xavière Gauthier, paru en 2004, chapitre « La mort ». De son côté, la médecine institutionnelle ne s'est pas pour autant désintéressée de la chose. Les avortements pouvaient, pour les pouvoirs en place, se révéler quand même bien utiles dans la régulation de la population. Cela permettait par exemple d'éliminer un surplus des populations qui n'étaient pas jugées nécessaires, tels que les corps de beaucoup de colonisés, dont la valeur était essentiellement calculée selon les besoins en force physique ou reproductive du système esclavagiste et colonial. Quand ce système a été remis en cause et s'est cassé la gueule, les puissances euro-occidentales prennent conscience du potentiel révolutionnaire de ces nombreux corps racisés, décolonisés survivants-survivantes, dont le contrôle leur échappe de plus en plus. Avortement, prescription contraceptive dissimulée et stérilisation forcée deviennent alors des pratiques répandues dans ces territoires. De véritables génocides sont commis parmi des populations telles que la population réunionnaise dans les années 1970, suscitant d'intenses mobilisations parmi les populations concernées. Rappelons au passage que ce type de pratique persiste toujours aujourd'hui notamment à l'initiative des autorités chinoises sur les minorités ouïghours, et qu'y compris chez nous, les discours des pouvoirs en place persistent à s'arroger un droit de regard sur les dynamiques de reproduction des pays dits du Sud, comme ce cher Macron qui, en 2017, présentait une fois de plus la croissance démographique des pays africains comme une entrave à ce qu'il définit toujours comme un défi civilisationnel de l'Afrique. Et par civilisation, bien sûr, on entend toujours la fameuse civilisation occidentale qu'à coup de mille et une stratégies et discours néocolonialistes, on tente de maintenir coûte que coûte comme modèle suprême à atteindre pour tout le monde. De la même manière, les progrès dans les diagnostics intra-utérins ont été rapidement un enjeu de formatage des populations selon certains idéaux de validité, permettant d'éliminer en avance des corps taxés d'infirmes. Il en fut de même avec certains corps parmi les plus précaires ou jugés déviants. Les corps de personnes neuroatypiques, racisées, en situation de handicap, les prisonniers et prisonnières, les pauvres, les opposants opposantes aux différents régimes politiques et aux ordres établis, tous ont servi de cobayes aux différentes pratiques abortives. Au sein du territoire hexagonal, espace le plus pratique pour la consolidation d'une pseudo-population nationale à la fois chouchoute et ressource de la Nouvelle République française, les personnes souhaitant mettre un terme à leur grossesse restent consignées à la clandestinité. Ils se retrouvent contraintes de réaliser des curetages de l'utérus sous le manteau, avec à peu près tout ce qu'ils peuvent trouver. Cintre, queue de persil, pompe à vélo, moteur de frigidaire. Cela nous laisse imaginer l'étendue des dégâts en termes d'infection, provoquant tout un tas de complications physiques, voire la mort. L'infection est en fait l'objectif même à atteindre. Car si l'avortement est alors illégal, les médecins ont bien entendu le devoir d'accompagner et de soigner les fausses couches. L'hypocrisie est totale et terriblement dangereuse. Les personnes enceintes, contre leur volonté, doivent ainsi provoquer une fausse couche pour ensuite se rendre dans une structure hospitalière afin d'être prises en charge. Il leur faut alors prétendre être victime d'une complication ou d'une fausse couche involontaire. Bien souvent, les gardiens de l'ordre patriarcal en blouse blanche les poussent au démenti, les harcèlent pour leur tirer les vers du nez, les menaçant de ne pas les aider si elles ne révèlent pas avoir effectué un curetage. En plus d'une pratique déjà en elle-même bien souvent douloureuse, ces médecins s'arrogent un rôle d'inquisitrice, moraux, en se vengeant de ces patients-patientes qui outrepassent les lois sur leur corps, accentuant le caractère traumatisant de cette rencontre, d'un interrogatoire torture. Le corps infecté est examiné pour déterminer si oui ou non ce qu'il contient peut encore être maintenu dans l'utérus ou s'il n'y a pas d'autre choix que de l'évacuer. Si l'infection n'est pas jugée assez grave, assez développée, empêchant à terme un développement à peu près normal du fœtus, les personnes peuvent se voir refuser la pratique abortive. Tout l'enjeu est donc bien de créer des conditions d'infection irréversibles, en attendant le moment crucial, le point de non-retour, en dépit des risques encourus pour sa propre santé et sa propre vie. Or, bien entendu, plus la grossesse est avancée, plus le curetage se révèle long, fragmenté, dangereux, et en même temps le plus susceptible d'être réussi. On avait appris que c'était mieux à partir de 3 mois. Ça se décrochait mieux. Extrait de Paroles d'avortées de l'écrivaine et journaliste féministe Xavier Gauthier, paru en 2004. Certaines médecins aident au curetage dans l'illégalité. Certaines, par une sorte de conviction féministe, en position d'allié, ou tout simplement par devoir, face à l'enjeu de santé soulevé par tous ces avortements massifs. Certaines, y trouvent leur compte, en pratiquant des tarifs extrêmement chers, capitalisant ainsi sur la détresse de leurs patients-patientes. D'autres médecins chercheuses, mieux attentionnées, continuent également d'explorer des moyens plus sécures et indolores. Dans les années 1970, la méthode par aspiration, inventée par l'États-Unien Hervé Carman, se répand après une première démonstration dans l'appartement de l'actrice, réalisatrice et militante Delphine Seyrig. Le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, MLAC, MLAC, et le planning familial militent pour la légalisation de son usage. En effet, la méthode par aspiration ne demande pas de connaissances médicales particulières, ni ne nécessite d'anesthésie. Elle consiste à vider l'utérus à l'aide d'une canule et d'une seringue, se révélant à la fois plus simple, mais aussi moins dangereuse et moins douloureuse que le curetage. Un mouvement des médecins se structure, de plus en plus en lien avec les mouvements féministes, à l'instar du Manifeste des 300 médecins, qui fait écho en 1973 au Manifeste des 343 ou 343 salopes. Ces 300 médecins déclarent ainsi ouvertement dans le monde pratiquer des avortements. Extrait du témoignage de Mariana Otero, page 281-282. Quand on apprend un secret comme ça, on veut se relier à l'histoire collective. Il a fallu que ma mère soit décédée de ça pour que je comprenne quelle était la vie des femmes avant. Quand j'ai commencé à me plonger dans tout cela, j'ai réalisé à quel point c'était différent d'être une femme aujourd'hui. C'était un enfer. Tous les mois, c'était l'angoisse. Je suis enceinte ou je ne suis pas enceinte. Comment peut-on se projeter dans l'avenir, dans le travail, dans la vie politique, dans l'amour, si chaque mois, cela peut être remis en question par le fait d'être enceinte? Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas à l'école que la Révolution française pour les femmes, c'est en 1975? En 1789, pour nous, n'a rien changé au contraire. Les jeunes femmes, elles trouvent ça banal. Si ce n'est pas incarné dans des histoires, on ne comprend pas. Cela reste théorique. Or, c'est une histoire de corps. On a du mal à comprendre qu'en même temps que les Beatles, en même temps que mai 68, il y avait ça. C'était hier. Je me suis dit, il faut raconter cette histoire de maintenant. Extrait du livre « Paroles d'avortée » de l'écrivaine et journaliste féministe Xavier Gauthier, paru en 2004. Depuis la loi de 1975, l'avortement est certes légalisé, mais il est loin d'être ni garanti, ni absolu. En effet, il reste l'objet d'une double clause de conscience des médecins. Il existe en effet dans toute la médecine une clause de conscience, assurée par l'ordre des médecins, au nom du fameux serment d'Hippocrate, pratiqué depuis le IVe siècle, et qui rappelle ainsi une certaine valeur morale symbolique de la pratique médicale. Les avortements mobilisent néanmoins une seconde clause de conscience. Celle-ci permet aux médecins de refuser de pratiquer, au nom de principes moraux qui leur sont propres, des avortements. Cette double clause de conscience montre bien que nous n'en avons pas fini avec ces considérations et réflexions sur le commencement de la vie pré- ou post-naissance et des responsabilités en découlant. Dans son livre « Paroles d'avorter », Xavier Gauthier dénonce l'aspect faussement historique de cette clause de conscience qu'elle dissocie complètement du serment d'Hippocrate. Le savant grec Hippocrate n'a jamais exprimé, je cite, « un respect fétichiste de la vie ». Cette obsession soi-disant morale est en fait très récente, datant en France de l'interdiction de toucher le fœtus, qui date, comme nous l'avons vu, du régime de Vichy et du maréchal Pétain. Mais au sein du corps médical, les opposants à l'avortement sont nombreuses et bien organisées. En 1975, le professeur Lejeune avait fondé une association appuyée par l'extrême droite appelée « Laissez les vivre ». Aujourd'hui encore, de nombreux médecins refusent de pratiquer des IVG au nom de cette double clause de conscience qui n'existe pour aucune autre opération. C'est quand même incroyable, cette persistance d'un veto vis-à-vis de nos choix sur nos corps de la part de personnes extérieures qui possèdent ce pouvoir de respecter ou non nos choix alors que leur boulot est quand même justement de faire tout un tas d'opérations difficiles. Un boulot qui, pour tous les autres domaines de pratique, est constamment valorisé pour sa capacité à mettre à distance l'émotionnel, la vie personnelle au profit du haut savoir-faire médical et technique. En prenant un peu plus de recul, on peut d'autant plus s'étonner que dans un pays qui n'a eu de cesse ces dernières années de fabriquer une image républicaine et laïque de l'invisibilisation et de l'exclusion des préoccupations morales et religieuses de l'ensemble des milieux publics et professionnels, et surtout dans le champ de la santé, on continue de faire de l'avortement une certaine exception morale, laissant les croyances et interprétations du commencement de la vie d'un médecin prendre le pas sur son devoir professionnel de prodigueur de soins. Alors oui, bien sûr, il y a normalement des limites à cette clause de conscience. Les médecins sont obligés de renvoyer les patients-patientes vers d'autres médecins pratiquant l'IVG. Mais cela prend du temps, et c'est une charge mentale supplémentaire. Parfois, il peut être très difficile de trouver des médecins appropriés selon les endroits où vivent les personnes, notamment en zone rurale. Il faut compter des frais supplémentaires de transport, une organisation particulière, des congés professionnels par exemple. Là encore, les minorités sont celles qui en paient le prix le plus cher. Déjà davantage incitées à se tenir à l'écart ou à se méfier du corps médical, et elles sont encore davantage susceptibles de subir des pressions matérielles ou professionnelles, ralentissant leur demande de prise en charge. Or le temps, rappelons-le, est précieux pour un avortement. Un IVG ne peut être légalement réalisé en France que jusqu'à 12 semaines de grossesse. Passé ce délai, il faut se rendre à l'étranger, depuis chez nous, souvent en Espagne ou aux Pays-Bas. Et il faut alors engager une fois encore du temps, de l'énergie et de l'argent supplémentaire pour le transport et la prise en charge non remboursée. Ces frais supplémentaires peuvent s'élever de 1 000 jusqu'à 30 000 euros engrangés par des cliniques privées. Comme on pouvait s'en douter, dès le premier confinement, la congestion des services hospitaliers conjuguée à l'anxiété générale de se rendre dans des structures hospitalières, et ce notamment seul, toutes ces complications dans la prise en charge donc, ont fait exploser le nombre de dépassements de délais, poussant encore plus de personnes vers ces avortements à l'étranger une fois les frontières réouvertes. Le planning familial a essayé de les soutenir comme il le pouvait, notamment en créant une cagnotte sur Hello Asso pour aider financièrement celles contre un contrainte d'effectuer un tel voyage. Au-delà de la charge financière, on peut imaginer la dose de stress et l'énergie requise par de telles situations. De même, l'isolement dans ce parcours semé d'embûches institutionnelles et de lourdeurs bureaucratiques reste bien souvent la norme. Les conjoints-conjointes, ou même les proches, au sens large, sont rarement autorisés à accompagner, et d'ailleurs jamais jusqu'au bout, et ce, encore moins dans le contexte actuel de pandémie. Pour ce premier confinement, le gouvernement a allongé de 2 semaines les délais possibles. Une mesure qui n'a été que temporaire, repassant à 12 semaines au moment du déconfinement. Cela pour l'interruption volontaire de grossesse, donc l'IVG. À ne pas confondre avec l'IMG, qui est l'interruption médicale de grossesse. Le poids des mots est important. L'IMG est une pratique d'avortement différente, qui est pratiquée au-delà du délai autorisé pour l'IVG. À l'inverse de l'IVG, elle ne dépend pas de la volonté du ou de la patiente d'avorter, mais de la décision d'une équipe médicale pluridisciplinaire composée d'au moins 3 professionnels. Un médecin gynéco, un ou une autre médecin choisi par la personne enceinte et une autre personne tenue au secret professionnel, pouvant être un ou une assistante sociale ou psy, notamment. Les personnes à l'origine de la grossesse peuvent être entendues par le comité, mais n'auront pas nécessairement le dernier mot. Cette intervention chirurgicale n'est autorisée que pour des motifs spécifiques, qui sont en théorie dissociés de toute volonté de la personne enceinte. Parmi les motifs reconnus en France, on trouve le diagnostic tardif d'une infection d'une particulière gravité, reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Ce motif est le plus fréquent, constituant 80 à 90% des IMG. Or, bien sûr, il mobilise lui aussi tout un tas de partis pris et de questions assez philosophiques considérées comme éthiques. La médecine et l'appréhension des troubles et des pathologies évoluant très vite, personne ne s'est vraiment risqué à établir une liste des pathologies justifiant l'avortement sous forme d'IMG. Un certain consensus d'opinion s'est fait en France autour du cas de trisomie, mais la décision est toujours finalement rattachée à l'appréciation personnelle du médecin, de ce que IL considère comme un handicap ou non, manifestant une fois de plus dans quel régime patriarcal de contrôle et de normalisation des corps nous nous trouvons. L'autre motif d'IMG rencontré est celui du péril grave pour la santé de la personne enceinte. Ce dernier motif assez vague était jusque-là très restreint. On se contentait le plus souvent de prendre en compte les risques physiques, l'argument de détresse psychosociale étant rarement accepté. L'idée sous-jacente étant bien qu'un avortement hors délai ne peut plus se justifier par le simple refus de la grossesse par la personne concernée. On perçoit bien ici les mécanismes sous-tendus de responsabilisation et de culpabilisation. Si tu es hors délai, c'est que tu as mal fait les choses, que tu es irresponsable, ou bien que tu n'es pas vraiment sûr de ton choix. Ces considérations font de nouveau peser la charge sur les personnes enceintes, invisibilisant la complexité et la diversité des situations. Séparation conjugale, événements traumatiques intervenus en cours de grossesse, déni de grossesse, changement de situation matérielle ou incapacité matérielle ou sociale à avoir pu recourir à une IVG dans les délais impartis, etc. On ne devrait bien sûr même pas chercher de justification dans les parcours de vie des personnes pour comprendre un besoin d'avortement hors délai. Mais une fois de plus, ce sont des considérations philosophico-morales, surtout héritées des traditions judéo-chrétiennes, qui l'emportent et qui considèrent que ce qu'on a à l'intérieur de nos utérus est plus important que l'état de nos vies et de nos corps, et de notre liberté à en disposer. Avec le confinement, malgré tout, en raison de ces nombreux dépassements de délai justement, le recours aux motifs de détresse psychosociale permettant l'interruption médicale de grossesse a été davantage accepté. Cela a permis d'ouvrir à nouveau le débat parlementaire vers une amélioration du droit à l'avortement. Les députés Alban Gaillot, Delphine Bagari et Delphine Bateau et plusieurs de leurs collègues ont ainsi déposé une proposition d'extension de la loi. Parmi les dispositions envisagées, on trouve l'allongement de 12 à 14 semaines pour l'interruption volontaire de grossesse. Un rallongement qui avait été exceptionnellement autorisé par le gouvernement lors du premier confinement pour faire face à la surcharge des services hospitaliers. Annie Carreto, coprésidente du planning familial de Gironde. Et donc le fait que cet amendement passe et facilite aujourd'hui la prise en charge de ces personnes-là, c'est hyper important. Et donc, dans la nuit qui a suivi, la mouvance, je dirais, extrême droite de Bordeaux, parce que c'était très clairement eux à la signature de leurs affiches, catholiques intégristes, se sont permis de dégrader la façade de nos locaux. Dès que la loi évolue ou dès qu'il y a quelque chose qui leur déplaît sur le sujet, ils s'en prennent plus particulièrement à nous. Cette fois-ci, leurs actes, ils les ont quand même un peu signés. Donc, on a déposé une plainte et on espère que cette plainte sera suivie des faits parce qu'on estime qu'aujourd'hui, ça suffit. Ça fait partie du combat politique dont je parlais. On y trouve également la volonté de supprimer la fameuse double clause de conscience des médecins, accompagnée d'une extension de la pratique des sages-femmes en matière d'IVG. L'idée serait de les autoriser, enfin, à pratiquer des IVG chirurgicales, en plus de l'IVG médicamenteuse qu'elles ne sont autorisées à pratiquer que depuis 2016. Cette disposition répondrait aussi bien à la pénurie de médecins disponibles qu'aux propres revendications de ce corps médical, encore trop peu considéré comme tel. Bref, cet amendement de la loi a donc été déposé le 25 août dernier, adopté en première lecture le 8 octobre. Face à ce bel espoir d'avancée législative, on a eu comme d'hab une petite crispation conservatrice manifestée par le gouvernement lui-même. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, déclarait en effet le 23 octobre dernier ne pas être sûr que la proposition de loi aille au bout. La raison ? Un vice de procédure, puisque le groupe Écologie, Démocratie et Solidarité qui a présenté la loi au Sénat n'existe plus à l'Assemblée nationale depuis le départ de son unique député. D'après le ministre, l'absence du groupe parlementaire pourrait ainsi faire obstruction à la navette entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Or, comme le souligne le collectif du nom de « Collectif avortement en Europe, les femmes décident », qui n'est pas un nom de collectif inclusif mais dont l'action semble très engagée, l'obstacle de procédure pourrait être contourné si le gouvernement se saisissait lui-même de la proposition pour en faire un projet de loi. Jusqu'à présent, ce dernier restait bien frileux, disant attendre l'avis du comité consultatif national d'éthique qu'il avait saisi. Un comité qui vient justement de rendre un avis favorable au rallongement des délais. Au gouvernement donc maintenant de prendre position et de décider d'affronter ou non les pressions des gros lobbies conservateurs évangélistes et pas que, puisque les grandes institutions médicales traditionnelles sont en bonne ligne des forces réactionnaires qui s'opposent à une telle évolution de la loi. L'argument principal maintenu contre l'allongement des délais résiderait dans des difficultés d'intervention. L'avortement à 14 semaines, demandant davantage de manipulations techniques. À écouter l'Académie de médecine, on dirait que nos médecins seraient moins doués que des pays voisins, comme les Pays-Bas ou le Royaume-Uni, où l'on peut avorter jusqu'à 20 semaines dans le premier et 22 dans le second. On voit que dans un pays qui se glorifie souvent d'être pro de l'égalité homme-femme, oui parce que l'inclusivité des genres c'est pas encore ça, toutes ces complications, comme le maintien de la double clause de conscience, notamment, continuent néanmoins à faire de l'avortement quelque chose de spécial, exceptionnel, complexe, voire tabou. En maintenant autant de barrières légales et procédurières, l'État et le corps médical renvoient toujours le même signal aux personnes concernées et à la société témoin. Un message qui présente encore et toujours l'avortement comme quelque chose de pas anodin, de grave, de particulier. C'est une position d'ailleurs ouvertement assumée et revendiquée par les représentants, représentantes politiques, comme par l'Ordre des médecins, qui en 2007 ont failli faire voter une loi pour lutter contre la, soi-disant, banalisation de l'avortement. On retrouve le même registre dominant qui était déjà en place dès les premiers débats autour de la loi de 1965. De coupables, on passait ainsi à victimes, jouant sur une autre fibre des tenants du patriarcat, toujours enclin à se positionner en grand sauveur protecteur dès lors qu'ils sont sûrs que les minorités de genre ne vont pas renverser l'ordre établi. Mais voilà, cette présentation de l'avortement comme un drame, si elle a permis à la loi de passer, a aussi ancré celle-ci comme le remède du moindre mal. Lors de son combat à l'Assemblée nationale, Simone Veil elle-même ne fait pas de l'avortement un acte anodin. Face aux crispations conservatrices, l'argumentaire de la ministre de la Santé présentait l'avortement comme une nécessité irréfrénable, bien que dramatique, pour les personnes qui y recourent. En gros, que les médecins machos le veuillent ou non, L'interdisent ou non, les personnes ne désirant pas leur grossesse auraient de toute façon recours à l'avortement. À ces médecins de voir si elles préféraient continuer à fermer les yeux et laisser les personnes concernées le pratiquer hors de leur structure et de leur pratique, et ce au péril de leur très nombreuse vie, ou bien si elles acceptaient cette réalité du refus de ces grossesses et accompagnaient le choix de ces personnes pour limiter les risques et mettre ainsi un stop à l'hécatombe. Comme le souligne Michel Ferrand, spécialiste des rapports sociaux de sexe, c'est son titre, la loi de 1975 est donc avant tout présentée comme une nouvelle manière de réguler les naissances en plaçant l'avortement entre les mains des médecins et exclusivement des médecins. Ces médecins machos veulent bien consentir s'il s'agit de reprendre un certain pouvoir sur les corps, la reproduction, tant qu'on peut leur assurer que l'avortement ne va pas devenir une « entre guillemets mode » qui leur échapperait, tant que IL sont sollicités au nom de leur figure de sachant-sachante et de sauveureuse. Dès l'adoption de la loi, un certain nombre de garde-fous sont d'ailleurs implantés, tels que le délai de réflexion de 48 heures, l'obligation de passer par un entretien psy et celle d'une autorisation parentale pour les mineurs. En même temps, l'accent est mis sur la contraception préventive afin de limiter le nombre de recours. Contrairement à d'autres pays et cultures, l'avortement en France n'a jamais été considéré comme une contraception. Il n'est perçu que comme le dernier ressort permettant d'interrompre une grossesse en cas d'échec de tous les autres moyens de contraception. Un dernier recours légal donc, mais toujours nimbé de quelque chose de l'ordre du moindre mal, du grave mais nécessaire, qui devrait à terme ne plus avoir lieu d'être, en mettant en place tous les moyens possibles pour l'éviter. Et on retrouve là tous les stigmates et les réflexions culpabilisantes, à peine dissimulées, auxquelles continuent de se heurter les personnes qui recourent à l'avortement aujourd'hui. Alors que le délai de réflexion, l'autorisation parentale et l'entretien psy obligatoire ont depuis été retirés de la loi, nombreux sont les témoignages quant à l'hostilité ou aux pressions de certains membres des personnels médicaux rencontrés. À propos de ces discours répétés, inquisiteurs, voire culpabilisants, la directrice de recherche en sciences sociales au CNRS, Dominique Mémy, parle ainsi d'une police des récits qui se serait substituée à la police des corps. Cette police des récits peut être plus ou moins consciente et perceptible, mobilisant parfois à mensonges et demi-vérités, recourant à des invectives morales ou à la fameuse image de l'horloge biologique pour déconseiller d'avorter, sous prétexte de l'âge ou encore de la possible difficulté à avoir des enfants par la suite. Aucun rapport. Dans certains cas, encore plus extrêmes, de nombreux patients-patientes se sont heurtés à des abus de pouvoir de la part de professionnels de santé qui, tout en dissimulant qui elles étaient contre l'avortement, leur mentaient sur l'état d'avancement de leur grossesse afin d'entraîner des dépassements de délai. Plus couramment, cette police des récits se trouve diluée dans les entretiens informels menés tout au long du parcours d'avortement par les différents membres du personnel médical qui sont souvent restés accrochés à l'idée qui, elle, serait plus à même que nous de savoir ce qui est bon pour nous, ce que l'on souhaiterait vraiment au plus profond de soi, comme l'idée complètement fumeuse du désir d'enfant inconscient qui aurait provoqué une grossesse involontaire. Parmi ces idées reçues et simplifiées à l'extrême, revient souvent une forme d'indignation face aux personnes avortantes, dans un pays où on aurait soi-disant tant de moyens pour éviter une grossesse, avec tous les moyens de contraception qui existent. Ce raccourci, comme nous l'avons déjà évoqué, nie les réalités complexes, sociales, conjugales, médicales, les pressions anti-contraception, les conséquences néfastes que celles-ci peuvent avoir, voire leur possible inefficacité parfois, renvoyant encore une fois de plus les personnes enceintes à une forme d'irresponsabilité, et en niant bien sûr au passage la responsabilité des hommes cis parties prenantes de ces grossesses. Les études menées par la sociologue Lucille Rouault contestent également le préconçu possible, selon lequel le personnel soignant de genre féminin serait plus compréhensif. Comme dans beaucoup de professions où les savoirs et savoir-faire des minorités de genre sont peu valorisés, et dans des structures dominées par les idéaux capitalomachistes de rendement, compétitivité, peu de place, de temps et de légitimité sont accordés à un suivi davantage de l'ordre de la proximité, de l'émotionnel, au nom du partage d'un vécu commun immédiatement disqualifié comme pas assez professionnel et neutre. L'idée que l'avortement doit rester un acte exceptionnel et consenti, voué à disparaître, se retrouve dans le peu d'heures et de contenu qui lui sont consacrés dans les formations médicales, y compris des gynécologues obstétriciens-obstétriciennes. À terme, l'avortement devrait être voué à disparaître. Pour ce faire, on retrouve les mêmes dynamiques nous conduisant au mécanisme d'incorporation du pouvoir qu'on a déjà évoqué au cours d'autres épisodes d'Abra le corps. Il s'agit en effet du phénomène consistant à faire nôtre les injonctions politiques et sociales, à réguler nous-mêmes nos comportements en anticipant ce qui sera collectivement admis comme correct, acceptable, bien. Les autorités morales et politiques ont de moins en moins besoin d'être surplombantes. Par leurs menaces de répression a posteriori, elles nous poussent à développer nos propres mécanismes de surveillance et de contrôle, voire carrément d'autoflagellation. Attention, il ne s'agit pas de dire que parler de prévention et de contraception est une mauvaise chose, utilisée à des fins obscures par les institutions du pouvoir. Prévention et contraception sont des clés et des libertés primordiales, qui peuvent même se révéler vitales et qui sont malheureusement encore bien insuffisamment promues dans les écoles. Mais au-delà de la santé sexuelle et de la sécurité sociale, qui sont des arguments centraux pour toutes ces contraceptions, il est intéressant d'aller voir quels autres usages et à quelles autres fins servent ces outils. Intéressant par exemple de constater qu'une pratique d'abord si moralement condamnée est en quelques années devenue le nec plus ultra de la recommandation médicale. C'était également, on l'a vu, un instrument utile sur les corps des populations colonisées. De même, on voit peu de recherches financées et de diffusion sur les marchés des différents types de contraception cis-masculine existants, qui se font par astuces thermiques, mécaniques ou autres. Sans compter qu'on parle bien plus du rôle barrière à la grossesse que celui de barrière aux IST. Quelle véritable connaissance avons-nous des IST existantes d'ailleurs, de leurs risques ? Les informations sont encore plus difficiles à trouver si nos pratiques sortent des relations hétérocis normées. Certes, les mobilisations face au VIH SIDA suscitées par les collectifs comme ACT UP ont permis de rappeler l'importance du préservatif. Mais quid des relations lesbiennes, par exemple ? Et pourquoi est-il encore si difficile de se faire ligaturer les trompes, méthode sans doute la plus efficace pour éviter les avortements ? Enfin, bon nombre de contraceptions qu'on nous vend à des fins d'empêcher les grossesses sont bien souvent bourrées de tout un tas d'autres substances et utilisées à tout un tas d'autres fins, notamment pour le formatage de la binarité sexuelle, en pathologisant un certain degré de pilosité chez des personnes assignées femmes que l'on bombarde d'œstrogènes pour réguler leur genre. On le voit encore une fois, les régimes de pouvoir en place savent vite capitaliser sur nos victoires pour nos droits et les réutiliser à leur sauce pour maintenir leur contrôle et leur profit. Vis-à-vis de l'avortement, la contraception joue un rôle pervers dans les discours stigmatisants et culpabilisants. Elle est devenue instrument de disciplinarisation, d'orthogénie, c'est-à-dire de redressement et de contrôle des corps, faisant reposer la responsabilité du contrôle des naissances sur les épaules de celles susceptibles de connaître une grossesse. Lorsqu'un avortement est pratiqué, celui-ci va d'ailleurs toujours de pair avec un accompagnement, une discussion autour du plan de contraception envisagé pour la suite. Bien sûr, cela peut être nécessaire, voire rassurant et instructif, mais hélas, les nombreux témoignages documentés révèlent plutôt des entretiens très directifs et injonctifs, faisant bien comprendre que le plus important est que la situation ne se reproduise pas. Le terme même employé pour qualifier les multi-avortants-avortantes est récidiviste. Si on n'a pas avec ça la bonne panoplie de discours criminalisants, ces discours ont d'autant moins de raison d'être que nous savons qu'il n'est pas de méthode contraceptive garantie à 100%, comme le montrent les études régulières à ce niveau, mesurant leur taux d'efficacité à partir d'un indice qu'on appelle l'indice de Pearl. Si nous restons tant contraints que contraintes de nous plier aux discours et aux pratiques médicales disciplinaires, c'est bien que nos corps sont en Occident particulièrement dépendants de la médicalisation. Et parce que nous avons besoin de ces structures pour pratiquer notre avortement au mieux, nous nous trouvons dans cette obligation d'allégeance à toutes les clauses imposées à base de grands « oui oui, je vais bien prendre ma pilule, car oui oui, je comprends bien qu'à l'avenir vous ne me reprendrez pas forcément en charge si je retombe enceinte ». Docteur en sociologie politique Lucille Rouault, autrice d'une thèse intitulée « Le spéculum, la canule et le miroir, les MLAC et mobilisation de santé des femmes, entre appropriation féministe et propriété médicale de l'avortement, en France, 1972-1984 wow, », waouh, ce titre était méga long, désolé, soutenue en 2017, cette étude montre donc comment, socialement que politiquement, pour garder la maternité comme norme et l'avortement comme exception. Lucille Rouault souligne l'imaginaire implicite d'un projet de filiation que recouvre le terme même de planification familiale ou encore interruption de grossesse. Les mots sont une fois de plus de très bons indicateurs des idées dominantes socialement. Parler d'interruption n'a pas le même poids qu'un mot tel que « arrêt ». Il est plus prompt à laisser entendre que l'avortement ne serait qu'une halte accidentelle sur la trajectoire conduisant tôt ou tard à la maternité. Lucille Rouault fait également remarquer la violence symbolique qui peut être vécue dans les structures obstétrico-gynécologiques qui prennent bien souvent en charge aussi bien les grossesses visant le terme que celles souhaitant être arrêtées. Là encore, l'idée n'est pas de jeter la pierre sur les hôpitaux, cliniques ou centres de planification familiale. Le plus souvent, ces structures elles-mêmes font au mieux, avec le peu de budget qu'on peut leur laisser, jonglant avec le peu de lits disponibles. Dans cette situation de congestion et de surcharge des services, fortement aggravée avec la pandémie actuelle, il est souvent difficile de dissocier les infrastructures des services de pratique des avortements du reste, laissant ainsi les avortants, les futurs avortants avortantes, parfois de longs moments, auprès d'autres personnes très sûres de leur choix de parentalité. Et elles doivent souvent affronter les affiches, les sons projetés par les autres salles. Dans ses travaux de recherche, Lucille Rouault a également mis en avant comment la personne en passe d'avorter se voit toujours rappeler la possibilité de devenir mère. Elle cite par exemple l'imposition quasi systématique de l'échographie, qui n'aurait pourtant pas, la plupart du temps, besoin d'être. Bon, j'ai appris depuis, grâce au super blog My Little IVG que je vous recommanderai à la fin, qu'en fait, l'échographie est quand même assez importante parce qu'elle permettrait vraiment de voir s'il n'y a pas une autre fécondation qui se serait faite dans les trompes, etc. Ce qui peut être plutôt pratique. Surtout, à l'instar de nombreuses autres chercheuses, Lucille Rouault déplore les lourdeurs administratives et médicales. Tout est fait comme si l'on souhaitait maintenir jusqu'au bout la possibilité de décourager les personnes souhaitant l'avortement. Cet acte, qui la plupart du temps ne requiert que quelques minutes d'intervention, est désormais médicalisé à l'extrême, appelant une surenchère d'actes médicaux, d'écho, d'analyse, d'anesthésie, etc., et s'étalant parfois sur plusieurs jours. Son avortement correspondait donc à environ 2 journées et demie, réparties en 4 lieux, incluant 5 mises à nu, des parties construites comme les plus intimes. Face à 5 personnes différentes et 4 pénétrations vaginales, sonde échographique recouvrant d'un préservatif, spéculum et toucher vaginal chez gynécologue, spéculum, pince et canule le jour de l'intervention, spéculum lors de la visite de contrôle, la nécessité de l'accès répété à l'intime, l'évidence de son exploration médicale standardisée ne sont guère questionnées. Extrait de l'ouvrage « Prise en charge et stigmatisation des avortantes dans l'institution médicale, la classe des femmes sous surveillance » de Marie Mathieu et Lucie Ruholt. Bien sûr, toutes les structures n'opèrent pas sur ce mode. Des espaces, comme la Maison des Femmes de Saint-Denis, considèrent l'avortement comme un acte possible de la vie, et cette perception irrigue l'organisation de leurs services. Car en y réfléchissant bien, ce sont sûrement tous ces détails qui participent à rendre souvent l'avortement aussi fatigant. Au-delà de l'acte, la décision se paye par une nécessaire longue disposition de corps et d'esprit, de ressources personnelles, de temps, notamment pour s'organiser vis-à-vis d'un éventuel emploi ou d'une situation familiale complexe, d'énergie, des dispositions pour faire face au stress que peuvent enclencher ces suites de rendez-vous et d'examens, tout cela n'étant bien sûr pas exempt de coûts financiers. Voilà pourquoi beaucoup d'entre elles choisissent l'avortement à domicile par voie médicamenteuse. C'est environ 70% des personnes qui pratiquent l'IVG en 2020 contre 20% en 2000. Une IVG qui reste possible jusqu'à 7 semaines après l'absence de règles. Comment cela fonctionne-t-il ? L'avortement médicamenteux peut consister en 2 types de médicaments, la mifépristone et le misoprostol. L'utilisation d'une combinaison des deux est la méthode la plus efficace. La mifépristone agit en bloquant la progestérone, une hormone nécessaire au maintien de la grossesse, alors que le misoprostol fonctionne en provoquant la contraction de l'utérus pour qu'il se vide. La méthode combinée nécessite une pilule de mifépristone suivie de 4 comprimés de misoprostol 24 à 48 heures plus tard. Si la mifépristone n'est pas disponible, le misoprostol peut être pris seul, mais cette méthode est légèrement moins efficace. Lorsque vous prenez le misoprostol seul, 12 comprimés doivent être pris dans une période de 12 heures. 4 comprimés toutes les 3 heures est la procédure recommandée. À quoi s'attendre lors d'un avortement médicamenteux ? Le misoprostol provoque des crampes et des saignements pour vider l'utérus. Cela peut être similaire à des règles abondantes et douloureuses, et il n'est pas rare de passer de gros caillots de sang pendant le processus. Les effets secondaires peuvent inclure diarrhée et vomissements, fatigue, fièvre ou frissons légers, maux de tête et étourdissement. Pour soulager la douleur et l'inconfort, vous pouvez prendre les dispositions suivantes. Rester à la maison ou dans un espace confortable lors de la prise des pilules, prendre de l'ibuprofène ou des antidouleurs avant l'intervention, prendre un bain ou une douche chaude, s'assurer de la présence d'un ami ou d'un membre de la famille pour vous rassurer et vous réconforter, et disposer d'un plan d'urgence en cas de complications. L'IVG médicamenteuse n'exclut pas les rendez-vous préalables, comme l'échographie, mais permet d'avorter chez soi, accompagné des personnes de son choix. Douleurs et fatigue peuvent perdurer pendant environ 15 jours, même si la majorité des personnes témoignent s'être senties aptes à reprendre leur routine au bout d'environ 2 jours. L'IVG médicamenteuse est documentée de façon drôle et rassurante par la BD en ligne My Little IVG. Des consultations pour bilan post-IVG sont systématiquement proposées 12 à 21 jours après l'intervention pour s'assurer de la fin de la grossesse, faire le point sur vos ressentis et parler contraception. Pour l'IVG médicamenteuse comme chirurgicale, vous pouvez trouver des vidéos explicatives et toutes les informations nécessaires, notamment sur le lieu le plus proche de chez vous pour pratiquer un avortement, grâce au site www.ippf.org. L'IPPF étant le sigle anglais pour l'International Planned Parenthood Federation, c'est-à-dire la Fédération internationale pour la planification familiale. N'hésitez pas à appeler directement le planning familial de votre région pour poser toutes vos questions et à vous faire accompagner par les personnes en qui vous avez confiance. On le voit cependant, malgré tous ces tabous, toutes ces barrières et tous ces discours culpabilisants et responsabilisants, le taux d'avortement ne baisse pas, preuve que le problème est peut-être ailleurs, hors d'une simple inconséquence des personnes concernées. Il est également important de souligner que cette orthogénie médicale est d'autant plus forte sur les corps de personnes qui se trouvent à l'intersection de plusieurs autres oppressions, telles que le racisme, la transphobie, putophobie, le classisme, l'agisme, la grossophobie ou le validisme par exemple. Ces personnes sont d'autant plus surveillées, considérées comme encore moins capables de contrôler leur corps et leur comportement. Au vu de leurs observations et des entretiens menés, Marie Mathieu et Lucille Rouault décèlent même une certaine continuité avec les nombreuses pratiques de contraception et notamment de stérilisation massive pratiquées sur différents groupes de minorités. Selon elles, les contraceptions actuelles joueraient aujourd'hui un nouveau rôle de contrôle des minorités et de celles vues comme déviantes de la norme reproductive. Ainsi, les personnes assignées au genre féminin, avortant en suite de couches, celles en situation de très grande précarité avec plusieurs enfants, ou encore les étrangères, celles de moins de 20 ans, issues des classes populaires notamment, et plus généralement celles suspectées de ne pas être capables d'une quelconque évaluation rationnelle, sont gardées à l'œil. La pilule est une technologie de contrôle d'autant plus intéressante que la nécessité du fréquent renouvellement de sa prescription assure au médecin un suivi particulier, autant qu'un bon pécule régulier, puisque chaque consultation pour renouvellement leur rapporte 25 boules. Ce tableau posé, on voit que le stigmate de l'avortement se déploie sur différentes nuances selon qui pratique l'avortement, mais aussi selon le type d'avortement pratiqué, qui dépend tout particulièrement de la durée de grossesse entamée. À ces fins de coercition revient encore et toujours l'idée que cet acte n'est pas anodin. C'est également le ressenti de nombreuses personnes concernées, notamment parmi les personnes qui ont accepté de me livrer leur témoignage. Et leurs ressentis sont bien entendu réels et à prendre tels quels. Cela dit, d'autres témoignages plus rarement diffusés font aussi de l'avortement une intervention comme une autre. Parlons davantage d'un effet de soulagement que d'impact négatif sur leur corps et leur psyché. En fait, ce sont surtout les termes d'anodin ou de banal qui sont assez confus et un peu fourre-tout. Si par anodin, on voudrait dire qu'il ne provoque absolument rien, bien sûr que cela relèverait sûrement du déni et de la mauvaise foi. Et encore, après tout, tout est possible. Mais c'est vrai que peu de personnes à ma connaissance ont témoigné n'avoir vraiment rien ressenti, que ce soit sur le plan physique ou émotionnel. D'après des chercheuses telles que Marie Mathieu, il y a également un effet performatif des discours autour des conséquences psychologiques et physiologiques de l'avortement. À force de nous bassiner avec ça, de nous convaincre que l'avortement nous impactera, cette idée a su faire son chemin, produisant des effets réels. Or, présenter constamment l'avortement à l'aune de ce risque d'impact à moyen et long terme permet de déplacer les réticences vis-à-vis de l'avortement terrain moral à celui pseudo-scientifique. En gros, c'est plus parce que c'est mal ou criminel que c'est pas bien que vous avortiez, mais plus par risque pour votre propre santé physique et psychique par la suite. Comme le montre aussi cette chercheuse, on ne cesse de nous répéter que cet acte ne serait pas anodin, sans jamais nous dire précisément en quoi, ce qui permet de maintenir le climat d'anxiété générale. De ce fait, bien qu'il ne soit plus légalement requis de justifier d'une situation d'urgence ou de détresse pour pouvoir avorter, cette idée reste très présente dans la culture professionnelle médicale. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a véritablement aucun impact de l'avortement. Rappelons quand même qu'il s'agit d'une intervention sur nos corps. Qu'on passe par l'opération ou par voie médicamenteuse, l'acte demande une certaine dose d'énergie du corps. Beaucoup de personnes font également part d'un ressenti physique pouvant être très douloureux. Le moment en lui-même n'est donc pas anodin. là où les journées de l'intervention ne sont sûrement pas les plus paisibles de la vie des personnes qui en passent par là. Par contre, on peut se demander si l'avortement est vraiment plus douloureux que d'autres types d'interventions. Je pense par exemple à mes grands-parents, qui comme beaucoup de personnes de leur âge se sont dernièrement fait opérer de la hanche pour se faire installer une prothèse. Et elles ont tellement souffert pendant les jours, voire les semaines qui ont suivi. Tout comme ma mère après son opération de la main ou de ses multiples fractures. Tous ces moments ne sont pas anodins. On pourrait même parler de certains traumatismes, au sens au moins strictement corporel, du souvenir de la douleur que l'on garde dans nos chairs. L'avortement rentre sûrement pour beaucoup dans la liste de ces nombreux actes médicaux douloureux. Pour les personnes à utérus, l'avortement peut d'ailleurs être une étape de plus dans les trajectoires souvent douloureuses, allant des règles à la ménopause, au passage parfois par la pose du stérilet, des syndromes polykystiques, des fécondations in vitro, du vaginisme, voire du cancer du sein ou de l'utérus, des événements sûrement tout particulièrement douloureux et traumatisants, corporellement et souvent psychologiquement, mais qui semblent pourtant bien moins émouvoir et révolter l'opinion publique. Bien sûr, l'avortement a bel et bien des particularités qui le distinguent des autres actes médicaux. Sur le plan physique, plusieurs experts, expertes et personnes concernées mentionnent d'importants moments dépressifs que l'on peut en partie expliquer par la chute des hormones. En effet, en mettant un terme à la grossesse, on met aussi un terme à tout un tas d'hormones qui étaient en train de se développer, et donc l'arrêt soudain peut bien faire chuter le moral et causer une fatigue intense. D'autres explications complémentaires peuvent également résider dans l'imaginaire de grossesse et d'avortement, qui sont là bien plus propres à chaque personne, selon ses ressentis, son rapport à son corps, ses croyances, les discours dont elle a été entourée, son désir ou non d'enfant pour plus tard, sa situation économique, selon aussi les différents critères qui ont pu jouer sur la décision, si c'était une décision acceptée aussi par l'autre partie du couple. Bref, beaucoup d'éléments. La manière de concevoir ce qui se passe dans son corps à ce moment-là et les représentations, stratégies mises en place pour affronter ces étapes sont propres et libres à chaque personne. Et c'est en tout cas ce qu'on peut leur souhaiter. Oui, certaines personnes vous diront avoir et vouloir se représenter un début de vie en elle, ou bien au moins une possibilité. D'autres, au contraire, conçoivent ce qu'il y a dans leur ventre comme le résultat d'une formule chimique, sexuelle, malencontreuse, qu'elles ne souhaitent pas avoir se développer. Certaines personnes souhaitent ne pas en parler, d'autres si beaucoup. Certaines personnes vont parler à leur ventre, d'autres vont en rire, d'autres en avoir peur, d'autres ne plus y penser une fois que c'est fait. Là encore, ce sont aussi des stratégies qu'on peut mettre en place pour affronter d'autres événements, d'autres douleurs, d'autres parties de nos corps, ou des choses qui nous font peur, comme l'illustre à merveille la BD My Little IVG. Les attitudes sont toutes possibles, toutes vraies, multiples, et personne d'autre de l'extérieur n'a d'avis, de jugement ou quoi que ce soit de légitime à faire valoir à ce sujet. Moi la première. Ce que je voudrais apporter par ce podcast, c'est juste un peu plus de remise en contexte. De pointer du doigt, une fois de plus, une société qui pousse toujours les gens à se mêler de ce qui ne les regarde pas et continue d'émettre un avis sur ce que les personnes avec des grossesses non prévues ou désirées devraient faire ou ne pas faire dans un sens ou dans l'autre. Les résultats d'études que j'ai mentionnés ont aussi pour but de dire que si effectivement beaucoup de personnes vivent difficilement l'avortement, c'est aussi le résultat de tout un tas de discours centenaires et de débats sans fin qui, en dépit des avancées législatives, n'a pas coupé le débat sur les questions existentielles qu'on peut avoir, sur le commencement, recommencement de la vie, sur ses envies de transmettre ou pas, par la voie génétique et biologique, sur les rapports que l'on entretient aux autres, sur les destinées ou les libres arbitres, etc. Les doutes que l'on peut avoir, se poser, que je me suis moi-même fréquemment posé sur la signification de la grossesse, seraient sans doute moins nombreux et pesants si on ne grandissait pas bombardé du rappel de cette question, avec jamais très loin les discours les plus conservateurs, sachant faire leur chemin jusqu'à nos culpabilités larvées. Le fait que l'avortement soit dépeint comme quelque chose devant idéalement à terme être éliminé, entretient le fait qu'il n'est donc pas totalement évident, en tant que tel, que si l'on reconnaît que les concernés disposent de leur corps, il y a quand même quelque chose sûrement, peut-être, qui serait là et qu'on arrête. Ce doute persistant que la médecine patriarcale et l'ensemble des institutions continuent de maintenir, souvent même chez les plus féministes d'entre nous. En plus de cette éternelle question du commencement de la vie, vient aussi l'imaginaire de la maternité, pour lequel on reste véritablement très socialisé, et qu'encore une grande partie d'entre nous souhaite embrasser. Et c'est totalement ok. Comme l'injonction à la maternité ne se suffit pas en tant que telle, elle se trimballe toujours avec sa ribambelle de petites sœurs qui viennent nous questionner et nous harceler avec leur crainte de l'horloge biologique, en nous susurrant, en nous titillant, en nous faisant craindre que si c'est pas maintenant, ça pourrait n'être jamais, ou tellement plus dur, ou qu'avoir un enfant serait peut-être aussi le ciment ou l'apothéose du couple. Que toutes ces images puisent leur source dans tout un tas d'héritages, de fictions, de fabrications culturelles, sociales, etc., etc. Cela n'empêche pas qu'elles sont bel et bien là. Elles font même carrément partie de nous pour certains et certaines. Et oui, elles peuvent rendre l'avortement difficile. Dire tout ça n'enlève rien à la douleur, mais cela permet de dire, en revanche, que cette douleur n'est pas obligatoire, forcée et universelle. Surtout, douloureux ou pas, banal ou pas, l'avortement ne résume pas une vie ni une personne. Je pourrais donc synthétiser mon message par cette phrase. Tous les avortements ne sont pas forcément douloureux. Tous les avortements douloureux ne sont pas forcément traumatisants. Tous les avortements traumatisants ne sont pas pour autant indépassables. Et le but en disant ça n'est pas de gommer les souffrances. Je ne crois pas qu'aucune souffrance puisse être gommée. En tout cas, pas par le silence et la honte imposée et intériorisée. Cela s'appelle dissimuler. Par contre, exprimer, traiter, partager, la souffrance peut souvent s'amenuiser ou se transformer. Et je me disais en faisant ce podcast que peut-être partager tout ça désamorcerait la culpabilité que certains, certaines pourraient ressentir, que ce soit à avorter ou à ne pas le faire, à en souffrir ou non, en rappelant que cette culpabilité n'est pas la nôtre, qu'elle est le résultat de tout un tas de processus et d'imaginaires sociaux et culturels dont nous héritons. Voilà, j'espère, une première étape pour se sentir un peu mieux, un peu plus libre, heureux, heureuse, que la vie continue. So how was it? What do you mean? Like, what was it like? It's kind of whatever. Were they nice? Nice enough. Did it hurt? Just uncomfortable. How do you feel now? Tired. Try this. It's like a bug. Yeah, yeah. Really pulley. Yeah. A delicious one. Probably bad for your health. Oh yeah, so it's good for the soul. It's kind of all that grease, you know. And that grease. Enfin, je voudrais adresser un gros élan de solidarité, militants, militantes, qui continuent de lutter pour la préservation de ce droit à l'échelle internationale. Cette lutte prend tout son sens en Pologne, actuellement, où les mouvements féministes se battent pour préserver leurs droits déjà restreints à l'avortement. En effet, le gouvernement d'extrême droite, sur fond d'une bonne dose de propagande ignoble, cherche à supprimer le motif de malformation du fœtus, qui était celui auquel recourait la majorité des personnes pour justifier leurs avortements. Aux États-Unis, suite au décès de la juge progressiste Ruth Bader Ginsburg, l'arrivée d'une nouvelle juge conservatrice à la Cour suprême fait planer une nouvelle menace sur le droit à l'avortement, puisque c'est bien cette institution qui détient le pouvoir de trancher en dernier ressort sur ce sujet, dans un pays où déjà 28 États sur 50 se sont engagés dans les limitations de l'avortement. Et on ne sait pas trop quoi penser encore du nouveau président Joe Biden, qui, en plus d'être accusé d'agression sexuelle, notamment pédocriminelle, n'a pas non plus une position bien claire sur le sujet, s'étant dit en faveur d'une limitation de ce droit par le passé. Enjoy. Enfin, on pense à tous ces pays où l'avortement est toujours limité, ou bien pénalisé, parfois très durement. Au Brésil, alors qu'en 2019, des études estimaient qu'environ 4 filles d'entre 10 et 13 ans étaient violées chaque heure et qu'on estime qu'au moins 6 enfants de cette tranche d'âge avorteraient chaque jour, de nouvelles restrictions ont été mises en place pour limiter les IVG pour motif de viol. Désormais, il faut aux concernés détailler leur agression et prouver leur dire sous peine de poursuites judiciaires. De même, on leur impose également de voir l'embryon ou le fœtus. Dans la même veine, début novembre, à l'occasion de la tenue de l'Assemblée annuelle mondiale de la santé, 32 pays ont signé ensemble une déclaration revendiquant de surtout garder la réglementation de l'IVG à un niveau strictement national. Ce, soi-disant au nom de la valeur traditionnelle de la famille, ainsi que pour le bien des personnes enceintes, pour les droits desquels ils assurent être profondément engagés. Pas de doute, l'avortement est loin d'être un débat clos et réclame un front uni et solidaire à l'international. Pour conclure, nous avons bien vu que la légalisation de l'avortement est loin d'en avoir fait un sujet réglé. Au-delà des questions personnelles auxquelles il peut mener, il faut aussi rappeler les conditions d'accueil et de prise en charge de plus en plus dégradées du fait des lois néolibérales du New Public Management, de plus en plus déployées ces 20 dernières années. Or, dans ce contexte, l'avortement n'est pas un acte qui rapporte à toutes ces structures hospitalières qui se retrouvent de plus en plus pressionnées pour fournir des résultats clairs, rentables et qui sont mises en concurrence les unes avec les autres. Le salaire de ces praticiens-praticiennes ne prendra pas en compte le temps, les difficultés ou quelques variables que ce soit. Face à ces impératifs de pseudo-efficience économique, de nombreuses maternités ferment et avec elles, leur service avortement. Les centres de proximité connaissent le même sort. Quelquefois, il arrive encore que les quelques nouvelles infrastructures hospitalières construites oublient d'implémenter un service dédié à l'avortement. La réduction drastique de ces lieux de prise en charge complique bien entendu la prise de rendez-vous avec les médecins qui acceptent de les pratiquer. L'attente pour obtenir un rendez-vous s'en trouve rallongée, augmentant les risques de dépassement des délais et le stress et les complications potentielles que peut générer l'ensemble de la situation. Critique dès le début de cette légalisation de l'avortement et de la nouvelle édification d'un monopole médical supplémentaire sur nos corps, des mouvements self-help, qui signifie littéralement l'aide de soi-même, continuent depuis des décennies à pratiquer aussi bien des avortements que des accouchements ou encore d'autres types d'autogynécologie de manière générale. Recourant au savoir-faire des générations précédentes, mettant l'accompagnement du collectif et le soutien psychologique au cœur de leurs pratiques, ces groupes témoignent de la résistance irrévérencieuse des savoirs féministes. Nombreux en Italie, en Espagne, présents également aux États-Unis, en France, comme à Aix-en-Provence notamment, la pratique de ces groupes est bien sûr qualifiée d'illégale et leur désobéissance manifeste dérange autant qu'elle sauve. Dans le même temps, les dénonciations des violences obstétricales et gynécologiques qui ont particulièrement explosé depuis 2014 et les hashtags « paye ton utérus » ou « paye ton gynéco » conduisent tout de même quelques professionnels à questionner de plus en plus leurs pratiques. En juin 2018, le Conseil national des gynécologues obstétriciens français, elle ne pratique pas l'inclusif, a accepté 25 mesures du rapport du Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes sur les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical. Cela a conduit à l'ouverture d'une commission de la promotion de la bientraitance en gynécologie. Néanmoins, comme le montre la réalisatrice, actrice, autrice et essayiste Ovidie dans l'un de ses précieux documentaires, le Conseil de l'Ordre des médecins refuse toujours de changer quoi que ce soit à ces procédures. De toute façon, il semble assez vain d'attendre de grands bouleversements dans les pratiques de médecins formés et maintenus dans un champ professionnel qui tire son pouvoir aux dépossessions de nos savoirs sur nos corps. Tout en rêvant que sur le temps long, nous puissions multiplier ces lieux de résistance, réactualiser les savoir-faire et nous réapproprier nos corps en marge des institutions patriarcales, on se trouve tout de même à espérer qu'au moins sur le court terme, les mouvements de dénonciation puissent permettre quelques améliorations dans cette prise en charge extérieure par laquelle nous nous trouvons pour la plupart d'entre nous encore obligés de passer. Un autre épisode dédié à l'avortement arrive donc très vite, basé essentiellement sur des témoignages. À suivre. Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. Abra le corps.